sans plus attendre, le récap d'hier. Donc c'était une soirée absolument magnifique et le récap, comme à son habitude, réalisé par Jeanne, a.k.a. Seth. Bonne écoute. Comment elle est déjà à la fois ? C'était mercredi. Mercredi. Un truc chamanique, comme en fait un truc assez léger. Bah, c'est peut-être dû à l'air, je sais pas. Mais super léger comme ça, où ton attention elle peut partir un peu dans tous les sens, tu sais. Tu peux aller un peu partout, puis en même temps ça te ramène à quelque chose un peu de central comme ça. Hello! Ça va? Et toi? S'appelle la boue. La boue, ça veut dire souffler en occitan. Mmh. Et c'est une cornemuse que j'ai découverte via un pote. En fait, on a découvert le luthier, la personne qui fabrique. Et ils sont assez peu de luthiers qui font cet instrument-là. C'est un instrument qui est vraiment réapparu dans les années 70 pendant le revival folk. Mmh. Et qui a été un peu comme réinventé. Enfin, pas réinventé, mais voilà, il y avait des vieux instruments sur lesquels on s'est basé pour refaire des nouveaux. Okay. Et en fait, elle a un son que j'aime beaucoup et c'est vraiment le son qui m'a plu. Avant même de dire, tiens, je sais pas quoi, c'est tel répertoire ou c'est tel cornemuse, ou ça, c'est vraiment le son. Mm. C'est des cornemuses à hanches simples qui ont un son. Et en fait, on écoutait en boucle SoundCloud du luthier qui avait quelques démos de ses instruments sur SoundCloud. Et en fait, on se passait ça en boucle avec mon pote. Lui, il connaissait déjà ce répertoire-là et cet instrument. Et puis, en fait, ça a mis super longtemps. Et au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, au bout de 5 ans, en fait, il faut que j'achète un instrument. Quoi. Et c'était le moment où le luthier, donc ce luthier qui s'appelle Robert Mata, est en train d'arrêter de construire et en prendre sa retraite. Et donc, du coup, en plus, ça devenait difficile de trouver des instruments. Et du coup, j'ai trouvé une occasion par un... Je me suis fait conseiller, parce que donc, je connais un peu ce milieu-là aussi, mais... Et j'ai réussi à trouver une occasion que j'ai achetée sans avoir jamais essayé l'instrument. Tu vois. Génial. Et je me suis mis... après, du coup, il a fallu que je m'y mette, quoi, tu vois. Une fois que t'as l'instrument... Et tu faisais quoi avant? Après, je fais pas mal d'instruments avant. Ok, donc t'avais quand même une base. J'ai fait de la clarinette, j'avais une base sur ces trucs-là, même si c'est vraiment particulier, en fait, quoi. C'est vraiment... Ça, c'est mon propre... ses propres contraintes. Et voilà, comme tout instrument, il faut juste pratiquer un peu tous les jours, tu vois. Comme Emma, elle est en train de pratiquer. Comme Emma, elle est en train de pratiquer un peu tous les jours. Okay. Mais du coup, ce qui m'a mis dedans vraiment, c'est que j'ai acheté un instrument. Forcément. Forcément, c'est intéressant. Tu passes le pas. Ouais. Thank you. c'est, vous avez préparé l'ange pour que ce soit si doux. Elle est comme ça, juste quand on la joue. C'est en sous pression. C'est ça, exactement. Toutes les notes, elles jouent à peu près bien. D'accord. En deux. D'accord, super. C'est drôle. Parce que c'est une cornemuse. C'était une surprise aussi quand j'ai essayé ça. De quelle région C'est une Amalfion Germanique. D'accord. Mais elle est faite par un lycée anglais. Donc techniquement, elle est amenée en anglais. Voilà. Okay. Mais c'est une copie de la Himmelschen. Il y a une photo de la représentation dont il s'est inspiré sur son site quelque part. Je ne sais plus de quand ça date. D'accord. Il y a chez Pretorius déjà, je crois qu'on a une image de Himmelschen. Ouais, c'est peut-être ça. Un joueur. Alors le joueur, je sais pas. Ah non, juste la cornemuse. Table d'instrument, ouais. Ok. Autrement, je joue de la musette de cour, mais j'ai jamais essayé de faire en sous-pression. Je suis pas sûr que... Ça, c'est pas tout à fait la même chose. C'est trop bien, la musette de cour, j'adore. C'est mon autre cornemuse préférée, quoi. Oui, c'est super, la musette de cour. C'est trop beau. Voilà. Mais j'ai jamais essayé de sous-prède. Ouais, je suis pas sûr que ça marche en sous-pression, mais je vais essayer. Bah, avec toutes les autres cornemuses avec lesquelles j'ai essayé, soit il se passe rien, soit en faisant des petits demi-doigts. Il y a un peu des souffles ou des harmoniques, mais j'ai jamais eu la même chose que ça. C'est extraordinaire. C'est la seule avec laquelle je trouve génial d'entendre une cornemuse pianissimo. En tout cas, c'était une magnifique expérience. Bravo. C'est ta cornemuse qu'elle a ? Là, j'ai ma musette là. Oh là là, il va y avoir de la jam. Enfin. Il va y avoir de la jam. Je crois qu'il va se passer des trucs. Tu restes un petit peu. Ouais, il faut attendre les heures. Oui, c'est vrai, il faut d'abord aller voir. Voilà. Il reste des places pour d'incise. Eh ben, il faut faire attention, mais oui, pour l'instant, oui, mais peut-être c'est mieux de... Moi, j'en veux. Bah, va me demander... Ouais, il y avait de la Vox Spring et des vrais tubes. Ouais, il y avait un écho. Ouais, il y avait un filtre. Ouais, un filtre. Non, mais moi, au début, j'analysais tout. Tu sais quoi, j'ai mis vraiment 10-15 minutes à me poser. Parce que j'analysais trop. Tu sais, il a fait quoi? Ouais, je dirais, détends-toi. Et après, j'ai commencé à rêver. Et justement, mes rêves étaient vraiment accordés avec la musique du Dare de You. Thank you. Et voilà, c'était le récap d'hier. On entendait des sons de Clément Vercelletto, de Lise Barcas et de D'Incise. Merci Jeanne, encore une fois, un récap de qualité. Et maintenant,